إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، إن فقدان الخشوع في الصلاة داء بلي به كثير من الناس، فهو في الحقيقة داء خطير يميت القلب ويصرفه عن الله سبحانه وتعالى. ذلك أن الخشوع أول ما يرفع من هذه الأمة، كما ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه. ثم اعلموا أيها المسلمون أن الصلاة لها حرمتها ولها قدرها، رتب الشارع عليها فضائل كثيرة، فهي كفارة للذنوب، وهي نور للعبد في دينه ودنياه، وهي الصلة بين العبد وربه، وهي الصلة بين العبد وبين ربه، ينزل حاجته لله سبحانه وتعالى عن طريقها. وإن هذه الفضائل لا تحصل لكثير من الناس لأنهم يفرطون في الخشوع فيها. Chers musulmans et musulmanes, sachez que le fait de ne pas faire preuve d'humilité et de concentration dans la prière est malheureusement une chose dont la plupart des gens sont éprouvés, une chose par laquelle la plupart des gens sont éprouvés. Et c'est en réalité une grave maladie, une maladie qui petit à petit tue le cœur et éloigne la personne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme cela est rapporté dans le hadith de Auf ibn Malik radiyallahu anhu, dans le musnad de l'imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe que la première chose qui sera ôtée dans cette communauté sera l'humilité dans la prière. Sachez, chers serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, que la prière est sacrée, que la prière a une immense valeur, et Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que de nombreuses récompenses découlent de cette prière. Cette prière est une expiation des péchés, cette prière est une lumière pour le serviteur dans cette vie d'ici-bas, et c'est une lumière pour lui dans sa religion. C'est la relation entre le serviteur et son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. C'est dans cette prière que le serviteur d'Allah, azza wa jal, expose ses besoins à son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et la plupart de ses mérites, et la plupart des gens ne peuvent bénéficier de ses mérites, car ils ne font pas preuve d'humilité et de concentration dans leur prière. الخشوع في الصلاة من أهم الأمور، فما هو الخشوع؟ ذكر أهل اللغة أن الخشوع الخضوع والسكون والتذلل، وقال ابن زيد الخشوع الخوف والخشية لله، وقرأ قول الله تعالى خاشعين من الذل، قال قد أذلهم الخوف الذي نزل بهم وخشعوا له. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما بينهما ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. وكثير من الناس يؤدون الصلاة ولكن لا تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر، ذلك بأنهم ضيعوا الخشوع فيها. ولقد حث الله عز وجل على الخشوع في الصلاة وأمر به ورتب على فعله أجرا كبيرا. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فبدأ بأول صفة وهي الخشوع في الصلاة لعظمها ولكبير قدرها. L'humilité dans la prière est donc un point essentiel. Mais qu'est-ce que l'humilité? L'humilité, c'est le fait de se rabaisser, c'est le fait de s'humilier, c'est le fait de faire preuve de quiétude. Ibn Zayd a dit, l'humilité, c'est la peur et la crainte d'Allah. Et il a lu la parole d'Allah Azza wa Jal, khashi'ina min adh-dhul. Ils sont humiliés par le rabaissement. Ils sont humiliés en faisant preuve de rabaissement. Il dit, en expliquant cette parole d'Allah Azza wa Jal dans Surah Shura, eh bien, la peur les a rabaissés au point qu'ils craignent leur Seigneur. Et il est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, selon Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un musulman qui accomplit une prière obligatoire en accomplissant convenablement les ablutions, en faisant preuve d'humilité et en accomplissant correctement les inclinaisons sans que ces prières ne soient une expiation entre celles-ci. C'est-à-dire que celui qui accomplit sa prière obligatoire en accomplissant convenablement les ablutions, en faisant preuve d'humilité et en accomplissant convenablement les inclinaisons, eh bien, entre chaque prière, c'est une expiation des péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam démet une exception en disant, à condition qu'un grand péché ne soit pas commis, et ceci durant tout le temps. Beaucoup de gens, malheureusement, accomplissent leurs prières, mais celles-ci ne les empêchent pas d'accomplir le mal et la turpitude, car ils ne font pas preuve d'humilité durant celle-ci. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à faire preuve d'humilité dans la prière. Il nous l'ordonne et découle de cette humilité dans la prière une immense récompense. Il dit Azza wa Jal dans Surat al-Mu'minun, connaîtront certes la réussite les croyants. Puis Allah Azza wa Jal dit, ceux qui dans leur prière sont humbles. Ainsi, la première caractéristique des croyants qu'Allah Azza wa Jal a cité dans Surat al-Mu'minun est ceux qui font preuve d'humilité, ceux qui sont humbles dans leur prière. وانظروا أيها المسلمون في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتروا كمال الهدي فيها فإن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه يقول جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء ولما مرض عليه الصلاة والسلام قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء قال صلى الله عليه وسلم مروه فليصلي وثبت أن عمر رضي الله عنه كان يسمع نجيشه من بين الصفوف وهو يقرأ سورة يوسف ذلك هو الذي جعلهم يتلذذون بالصلاة ويركضون إليها إذا حزبتهم الأمور ذلك هو الذي جعلهم يحبون الصلاة حبا جما فيرونها أسعد لحظات حياتهم يقول عليه الصلاة والسلام كما في المسند بإسناد حسن يا بلال أرحنا بالصلاة ويقول كما في السنن والمسند وجعلت قرة عيني في الصلاة. Puis regardez, chers musulmans et musulmanes, et observez la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de prendre en compte la façon parfaite par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait sa prière. Abdullah ibn Shikhi radiyallahu anhu rapporte en disant: je suis parti vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il priait, et émanait de sa poitrine le bruit que fait une marmite qui bouillonne, et ceci de par ses pleurs sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il tomba malade sallallahu alayhi wa sallam, la maladie qui a précédé sa mort, il a dit: ordonnez à Abu Bakr d'accomplir la prière. Ordonnez à Abu Bakr de présider la prière. Aïcha radiyallahu anha a dit: ô envoyé d'Allah, Abu Bakr est un homme sensible. S'il se mettait à ta place, les gens ne pourraient entendre sa lecture à cause de ses pleurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ordonnez-lui de présider la prière. Et il a rapporté que Umar radiyallahu anha, l'on entendait les pleurs de pas au milieu des rangs lorsqu'il lisait Sourat Yusuf. Voilà ce qui a fait en sorte que ces nobles personnes prenaient du plaisir à prier. Voilà ce qui faisait en sorte que ces nobles personnes fuyaient vers la prière lorsqu'ils étaient atteints de malheurs ou de soucis, car ils aimaient la prière d'un immense amour, et il considérait les moments de la prière comme les meilleurs moments de leur vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmad, selon une chaîne de transmission bonne, il disait: ô Bilal, apaise-nous par la prière. Ô Bilal, apaise-nous par la prière. C'est-à-dire: ô Bilal, appelle à la prière afin que l'on puisse accomplir celle-ci et connaître l'apaisement. Et il disait aussi sallallahu alayhi wa sallam: et la prunelle de mes yeux se trouve dans la prière. Fa'ila ulaika alladhina yaj'aluna min salatihim awdiyatan lil khatarat wal wasawis wat tafkirat wan nazar fi umur ad-dunya ila ulaika naqulu ruwaydan ala anfusikum فلقد خسرتم كثيرا وفرطتم في أجر كبير. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما لك من صلاتك إلا ما عقلت. وذلك مصداقا ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الإمام أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لينصرف وما كتب له من صلاته إلا عشرها إلا تسعها إلا ثمنها إلا سبعها إلا سدسها إلا ربعها إلا ربعها إلا ثلثها إلا نصفها. فما حالك يا عبد الله ويا أمة الله إذا كان الله جل وعلا قد كتب لك من ثواب هذه الصلاة العشر؟ إن كثيرا من الناس إذا دخل على الملوك أو الأمراء أو على مدير في دائرته عظمه وأصغى إليه وخشع في حضرته، فلا تمايل ولا انصراف ولا خطرات، بل يظهر لهذا المسؤول أنه مهتم بأمره معتن بما يقوله، فكيف لا يفعل المسلم ذلك مع ربه سبحانه وتعالى وهو ملك الملوك المطلع على ما تخفيه الضمائر والصدور؟ À ceux qui, pendant leur prière, sont traversés par d'innombrables pensées, ceux qui, pendant leur prière, ne cessent de penser et d'être distraits par ces choses mondaines, à cela nous disons: prenez garde à vous, car vous perdez beaucoup et vous manquez de percevoir une immense récompense. Abdullah ibn Mas'ud ra Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu m'a dit, tu n'as de ta prière que ce que tu as raisonné. C'est-à-dire, tu n'as de ta prière comme récompense que les moments dans lesquels tu avais la présence d'esprit pendant celle-ci. Et ceci est appuyé par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par l'imam Abu Daoud dans ses sunan, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un homme s'en va, c'est-à-dire termine sa prière, et il ne lui est inscrit de cette prière que le 10e, que le 9e, que le 8e, que le 7e, que le 6e, que le quart, que le tiers, que la moitié. Dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre clairement que des personnes terminent leur prière effectivement, mais la récompense qui est inscrite diffère en fonction des personnes, selon l'humilité qu'elles ont eue dans cette prière, selon le degré de concentration qu'ils ont eu dans cette prière, selon la présence d'esprit qu'ils ont eu dans cette prière. Certains ne leur sera compté que le 10e, d'autres que le 9e, d'autres que le 8e, d'autres que le 7e, le 6e, le quart, le tiers et la moitié. Beaucoup de gens, lorsqu'ils entrent chez des personnes de haute responsabilité, lorsqu'ils entrent chez des chefs d'État, chez des rois, ou même lorsqu'ils sont convoqués par leurs supérieurs, eh bien, ils font preuve d'humilité pendant leur présence. Il n'y a pas de pensée qui traverse leurs esprits. Au contraire, cette personne va montrer à son supérieur qu'elle est toute ouïe, qu'elle est attentive à ce qu'il va lui dire. Cette personne va montrer à son supérieur que son supérieur a de l'importance pour lui. Si une personne fait cela, pour une personne de renommée, pour une personne qui a une grande responsabilité, pourquoi alors le musulman n'agit pas avec plus d'humilité, avec plus de sérieux et de présence d'esprit lorsqu'il est en relation avec son Seigneur subhanahu wa ta'ala, qui est le roi des rois, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est parfaitement connaisseur de ce que renferment les poitrines. أيها المسلمون اتقوا الله جل وعلا في صلاتكم وارعوا الخشوع فيها واجلبوا ما يرقق قلوبكم في التفكر فيما يتلى عليكم من كتاب الله وفيما تتلفظون من أذكار في الصلاة فإذا قال المسلم الله أكبر تأمل معناها قليلا فوجد أن الله أكبر من كل شيء أكبر من هذه الدنيا وما فيها عندئذ يوحي إليه ذلك أن لا يلتفت عن هذا الكبير الذي هو أكبر من كل شيء يتأمل المسلم في قراءة القرآن وما فيه من العبر والعظات هذا القرآن الذي لو أنزل على جبل لتصدع وتلاشى من عظم هذا القرآن فما بال قلوبنا أيها المسلمون أصبحت كالحجارة أو أشد قسوة إن الواجب علينا مراجعة أنفسنا والنظر في حال صلاتنا كم من مصل لا تنفعه صلاته نفعا كبيرا وكم من مصل لا تكون صلاته نورا له في هذه الدنيا وفي الآخرة وكم من مصل لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر chers musulmans et musulmanes. Craignez donc Allah subhanahu wa ta'ala dans vos prières et faites en sorte de faire preuve d'humilité durant celle-ci et mettez en œuvre ce qui radoucit vos cœurs en réfléchissant par exemple aux versets du livre d'Allah qui sont lus, en réfléchissant aux évocations d'Allah Azza wa Jal que vous faites durant vos prières. Lorsque le musulman dit Allahu Akbar, Allah est le plus grand, eh bien, il prend en compte le sens de cette parole et se rend compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que toute chose, qu'Allah azza wa jal est plus grand que cette terre et tout ce qu'elle contient, qu'Allah azza wa jal est plus grand que cet univers. À ce moment, eh bien, il prendra conscience qu'il n'est pas permis de penser à autre chose qu'au plus grand, celui qui est plus grand que toute chose, subhanahu wa ta'ala. Le musulman raisonne et médite dans la lecture du Coran et il prend conscience des secrets et des morales qui y sont renfermés. Ce Coran, qui s'il était révélé sur une montagne, il l'aurait réduite en poussière. Que dire de nos cœurs, chers musulmans ? Nos cœurs sont malheureusement devenus durs comme de la pierre, si ce n'est plus. Il est donc obligatoire pour chacun d'entre nous de revoir sa copie et d'examiner la situation de sa prière et l'état de sa prière. Combien font la prière ? Mais cette prière ne leur est que de peu bénéfice. Combien font la prière ? Mais cette prière n'est pas pour eux une lumière dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Combien font leur prière ? Mais leur prière ne les empêche pas d'accomplir le mal et la turpitude. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإلى أولئك المصابين بداء فقد الخشوع نقول إن هذا الداء له شفاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أعظم الشفاء ما ثبت في صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال دوني ودون صلاتي فلا أعلم ما قراءتي ما صلاتي فقال عليه الصلاة والسلام ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فاستعذ بالله من شره وانفث عن يسارك ثلاثا فإنه لا يأتيك قال عثمان بن أبي العاص ففعلت ذلك فأذهبه الله جل وعلا عني. À ceux qui sont atteints par cette maladie de ne pas être humble et de ne pas faire preuve d'humilité et de concentration dans leur prière, à cela nous disons qu'à cette maladie il y a une guérison, qu'à cette maladie il y a un remède dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi le meilleur de ces remèdes, ce qui est rapporté dans le sahih de l'imam muslim, selon Uthman ibn Abi al-As radiyallahu anhu, lorsqu'il dit qu'il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit « Ô envoyé d'Allah, le diable s'interpose entre moi et ma prière, jusqu'au point que je ne sais plus ce que j'ai lu et je ne sais plus ce que j'ai prié. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, « Ceci est un diable qui est appelé Khinzab. Ceci est un diable qui est appelé Khinzab. » Lorsque tu le ressens, demande la protection d'Allah contre son mal. et postillonne à trois reprises. À ta gauche, il ne viendra plus à toi. Et postillonne à trois reprises. À ta gauche, il ne viendra plus à toi. Uthman ibn Abi al-As radiyallahu anhu a dit, j'ai fait cela. J'ai mis en pratique ce remède du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah l'a éloigné de moi, c'est-à-dire ce diable. ومن الأمور المعينة على الخشوع النظر إلى مكان السجود لأنك بذلك تكون أكثر خشوعا وتقيد عينيك عن الحركة والانشغال بما يحيط بك وتبعدهما عن النظر إلى السماء أو السقف لأنه أمر منهي عنه يقول فيها يقول فيما أخرجه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم من السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم ومن الأمور المعينة على الخشوع والمطلوبة في الصلاة عدم تحريك الأعضاء ومنها اليدان وهما أكثر الأعضاء حركة رأى بعض السلف رجلا يعبث بيده في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه فالخشوع ليس للقلب وحده ولكن الجوارح أيضا تخشع يقول سبحانه وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا ويقول صلى الله عليه وسلم في ركوعه خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي أخرجه النسائي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. Et parmi les choses qui aident à faire preuve d'humilité et de concentration dans la prière, il y a le fait de fixer le regard dans l'endroit où l'on se prosterne. Ceci afin de mieux se concentrer, car en faisant cela, tu restreins tes yeux de se balader à droite et à gauche, et tu les empêches ainsi de porter le regard au toit ou au ciel, car ceci est une chose interdite. Il est rapporté dans le Sahih de l'Imam al-Bukhari, selon Anas ibn Malik radiyallahu an, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'un peuple cesse de lever son regard aux cieux pendant leur prière, ou alors leur vue sera ôtée. Et parmi les choses qui aident également à faire preuve d'humilité et de concentration dans la prière, est le fait de ne pas faire de mouvement avec les membres de son corps, et plus particulièrement de ne pas faire de mouvement avec les mains, car les mains sont les organes et les membres qui bougent le plus. Certains salafs, lorsqu'ils voyaient un homme bouger ses mains de façon abusée pendant sa prière, ils disaient, si le cœur de cet homme était humble, ses membres aussi auraient été humbles. Ainsi, l'humilité n'est pas propre au cœur, mais les membres du corps font eux aussi preuve d'humilité. Et la preuve est la parole d'Allah Azzawajal dans Surah Taha, lorsqu'il dit, les voix baisseront devant le tout miséricordieux. Les voix seront humbles devant le tout miséricordieux, c'est-à-dire le jour du jugement, et tu n'entendras ce jour-là que des chuchotements. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, durant son inclinaison, mon ouï, ma vue, mon cerveau, mes os, mes articulations s'humilient devant toi. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يخشعون في الصلاة اللهم اجعلنا من الخاشعين في الصلاة يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فارنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز اللهم أعن اللهم أعن المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم كن لهم، اللهم ارزق لهم النصر يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم أرنا في عدوهم عجائب قدرتك يا قوي يا متين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.